Bonjour Marie-Hélène, 15h30, Culture Société, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Une fois n'est pas coutume, en ce début d'année, le Salon Noir entreprend une série de 4 émissions consacrées à la violence de masse au travers de sa naissance, puis de ses différentes expressions jusqu'à la guerre de Madrid et la fouille de camps de concentration franquistes. Le premier volet, réalisé à l'occasion du colloque organisé par le Louvre-Lens et l'INRAP, est consacré aux prémices de la fureur meurtrière, avec Jean Guilaine, professeur au Collège de France, et Jacques Semelin, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. Jean Guilaine, vous êtes intéressé, voici quelques années, à la naissance de la guerre, du conflit, une approche très largement traitée dans le monde anglo-américain, mais est-ce que les archéologues européens et français s'y sont intéressés ? Ils s'y sont intéressés, je dirais, progressivement. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y a eu des sujets reconnus comme ayant été tués par suite d'impacts de projectiles, de flèches. Donc tout ça a été documenté. Et puis alors, il est arrivé en quelque sorte des découvertes qui ont été très médiatisées. Et ça, c'est peut-être l'influence aussi des médias. D'une part, la tombe de Thalheim, en Allemagne, où vers 5000 avant notre ère, on a mis au jour les restes d'une petite population massacrée. Et puis ensuite, des découvertes comme Ötzi, The Iceman, l'homme des glaces, qu'on a retrouvé dans les Alpes. Alors d'abord, on a cru qu'il était mort de froid, et puis on s'est rendu compte, en fait, qu'il avait été exécuté, si je puis dire, par un projectile qu'il avait reçu dans l'épaule. Donc, ces éléments ont permis de reconsidérer ces problèmes de violence et de guerre préhistorique. Alors, Ötzi est intéressant, puisque les analyses extrêmement poussées auraient montré qu'il avait plusieurs traces de sang différents. On s'est rendu compte qu'il avait des traces de sang sur son poignard, sur sa cape, etc. Et souvent des sangs différents. Donc on s'est demandé si ce n'était pas un peu un personnage louche, s'il n'avait pas eu la fin qu'il méritait en définitive. Donc vous voyez, toutes ces choses-là montrent petit à petit que la place de la violence dans le fait, dans l'espace archéologique, petit à petit s'est étendue. Et c'est une chance pour l'archéologie, parce qu'on pense que les populations souvent ne vivent que de relations pacifiques, d'échanges, d'alliances, etc. Et tout ce volet des antagonismes entre cultures était un peu sous-traité jusqu'à présent. Et c'est une des dernière conquête de l'archéologie. Alors il y avait eu quand même dans les années 30 des fouilles en Bretagne sur un site mésolithique contemporain donc des premiers agriculteurs, et là nous y avions un individu, la mâchoire brisée, 2 flèches dans les vertèbres, un assassinat, une guerre. Oui, mais vous savez, c'est très difficile à interpréter. Lorsque vous avez un massacre, une population donc qui a été éliminée, bon, alors là on peut discuter. Un sujet qui a reçu une flèche dans le dos ou dans la poitrine, ça peut être un règlement de compte individuel. C'est beaucoup plus difficile à expliquer. Et dans le cas de Teviec en particulier, il y a cette tombe double qui avait été à l'époque publiée par les Pécard et par Valois, où on pensait qu'il s'agissait d'un couple. Alors là, ça pose aussi un problème. Si l'homme meurt, est-ce que la femme le suit? Et on a à ce moment-là un phénomène dit d'accompagnement, comme disait notre regretté ami Testard. Mais là, on s'est aperçu, en revisitant les documents, qu'il s'agissait de 2 femmes. Et 2 femmes qui ont été enterrées, je dirais, un peu avec les honneurs, c'est-à-dire dans une fosse, avec une toiture qui comporte des ramures de cerf, avec des colliers. Donc j'en viens à me demander, mais ça, je ne donne qu'une opinion personnelle, si en fait, elles n'ont pas été éliminées par leur propre communauté, s'il ne s'agit pas d'un problème de meurtre rituel, beaucoup plus qu'un problème de guerre ou d'affrontement. Vous disiez que les archéologues français et européens avaient investi ce sujet de la violence assez tardivement. C'est visiblement pas le cas des écoles anglo-américaines. Oui, parce qu'elles avaient d'autres exemples, en particulier les guerres entre populations indiennes d'une part, et puis ensuite, plus tardivement évidemment, les guerres entre l'armée américaine et les Indiens. En fait, cette conquête de l'Ouest américaine, d'une certaine façon, l'Europe l'avait connue 7 à 8 millénaires auparavant, avec la conquête néolithique du continent. Ces populations de fermiers issus du Proche-Orient et qui, au fil des générations, petit à petit, se sont étalées à travers toute l'Europe, qui ont rencontré devant elles des populations de chasseurs-cueilleurs. Et on n'a pas d'exemple précis, mais rien ne nous dit que les chasseurs-cueilleurs se sont laissés spolier de leur territoire de chasse sans réagir. Alors, probabilité de conflit entre ces deux cultures, ces deux économies fondamentalement différentes qui s'excluent. Alors, ce qui est intéressant avec l'école américaine, c'est qu'ils ont carrément étudié des champs de bataille, et pas n'importe lesquels, les deux fameuses batailles de Little Bighorn et de Wooden Knee. Oui, bien sûr. Mais alors ça, c'est un peu le drame de l'archéologue européen pour les périodes les plus anciennes qui m'intéressent. C'est que le champ de bataille est introuvable. Finalement, nous n'avons que des victimes et nous n'avons pas les agresseurs. Comment essayer de retrouver les motivations du conflit qui font que nous nous trouvons devant des victimes? Ça, c'est un peu le drame de l'archéologue. Il aimerait bien voir un peu le visage des agresseurs et connaître ses motivations. Jacques Semelin, vous êtes un spécialiste d'histoire, de sciences politiques. Pour vous, que peut apporter l'archéologie à l'histoire de la violence? À mon avis, c'est un pan considérable de travail. Et moi, je m'étonne quand même que les archéologues ne se soient pas intéressés plus tôt, on va dire, à l'histoire de la guerre et des violences de masse, parce que je pense qu'ils ont beaucoup à dire. Et ne serait-ce que nous aider à localiser les lieux de massacre à travers les fouilles, à partir de travaux sur les archives ou de témoignages. D'ailleurs, par exemple, en Ukraine, ou en Pologne, le père Patrick Desbois a fait récemment ce travail pour localiser les lieux d'exécution des Juifs. Elle peut aussi nous aider à comprendre comment les gens sont morts. J'ai l'impression que les techniques sont quand même relativement bien éprouvées. Et à ce moment-là, c'est un enjeu considérable du point de vue de l'histoire, mais aussi des mémoires. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire « non, c'était la guerre, donc il y a eu des agresseurs des deux côtés ». On va dire, oui, ces gens-là, ce groupe-là, il a été exécuté, alors par tel ou tel moyen. Et voyez, on voit cela à l'œuvre très récemment dans les travaux sur la Bosnie et le Rwanda. En fait, pour une démarche de justice que s'est mis en place, des enquêtes, des fouilles, ce qu'on appelle aussi les enquêtes médico-légales, c'est-à-dire en anglais « forensic archaeology », pour établir les conditions dans lesquelles des hommes et des femmes ont été tués en Bosnie et au Rwanda. Donc il y a un lien ici entre la justice, bien sûr, et la démarche archéologique, mais c'est aussi une contribution à l'histoire et aux mémoires. Parce que alors là, évidemment, ensuite, les enjeux de mémoire sont considérables. Et j'ai le sentiment d'ailleurs que les archéologues ne sont pas tout à fait à l'aise avec ça. Ils sont peut-être plus habitués à travailler sur des périodes anciennes et les témoins survivants ne vont pas être là ou les pouvoirs politiques ne vont pas être là pour les embarrasser. Donc ces conflits contemporains les contraignent en quelque sorte non seulement à utiliser leurs méthodes mais à savoir comment parler de leurs résultats. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient bien armés pour ça parce qu'il faut gérer les émotions et les discours politiques autour des morts. En tout cas, violence de masse, guerre, massacre, tout ça, on peut faire de fines subtilités. Oui, alors ça c'est un pan entier, c'est-à-dire la notion de violence, vous savez, elle est très compliquée, en fait, elle est polysémique. La notion de violence en Europe ne va pas être forcément la même chose qu'en Afrique ou en Amérique latine. Bon. Et puis, en même temps, si on vous parlait de l'Antiquité, Gros problème pour utiliser ce terme de violence. Mais au moins, ce qui est intéressant, c'est de distinguer, en tout cas, ça c'est l'apport des contemporanéistes, entre violence de guerre et violence de masse. Violence de guerre, ce sont des violences dans la guerre, ou de la guerre, donc entre combattants, et puis aussi des violences qui naissent du combat lui-même. Quand on parle de violence de masse, on parle de violences qui tendent à se détacher du champ de bataille, qui s'autonomisent en quelque sorte. Et là, on va parler des Arméniens, par exemple, au moment de la Première Guerre mondiale. On va parler des Juifs, bien sûr, au moment de la Seconde Guerre mondiale. On peut aussi inclure, d'ailleurs, l'élimination des Ukrainiens par la famine à partir de Staline. Donc, vous entrez dans des processus de violence qui sont massifs et contre des populations entières. Et ce qui me semble intéressant, pour faire le lien entre violence de guerre et violence de masse, c'est la notion de massacre. Massacre, on peut donner cette définition, c'est une forme d'action, le plus souvent collective, de destruction de non-combattants. Alors non-combattants, ça veut dire des soldats qui ont pu être désarmés, n'est-ce pas ? Et bien sûr, on entend femmes, enfants et personnes âgées. Collectif, ça va de soi. Enfin, je veux dire, on massacre rarement tout seul, voire si on massacre tout seul, on est souvent en train d'agir avec un réseau. Mais c'est quand même en groupe que les individus massacrent un autre groupe. Et destruction, c'est très important, c'est-à-dire que ça ne se limite pas au corps, en fait. Ça peut être destruction des bâtiments, ça peut être destruction des maisons. Et d'ailleurs, là, je trouve que l'archéologie peut jouer aussi un rôle à travers l'étude des ruines de sites ou de maisons où des gens ont été massacrés. Ça va nous renseigner aussi sur qui a été massacré. Donc vous voyez, l'archéologie, elle peut nous aider à identifier des lieux, elle peut nous aider à élaborer une sorte de géographie des massacres dans une région, elle peut nous aider à comprendre le comment et aussi finalement à savoir qui a été tué. Justement, vous travaillez, Jacques Semelin, aussi sur les deux facettes de ces massacres, à savoir d'un côté les bourreaux et de l'autre côté l'entraide. Oui, alors l'archéologie évidemment ne va pas pouvoir tout dire, tout prouver, etc. Il faut absolument être dans une démarche pluridisciplinaire. Et c'est vrai qu'elle va avoir peu d'informations à donner sur qui a tué. Encore que peut-être parfois on peut le comprendre à travers les armes utilisées. Si on trouve tel ou tel type d'armes près des sites d'exécution, on va peut-être pouvoir dire qui les a utilisées, de quel pays ou de quelle partie proviennent ces armes. Donc l'archéologie, elle peut évidemment contribuer à dire l'histoire, à écrire l'histoire, voire à repenser l'histoire dans une démarche pluridisciplinaire. Mais c'est vrai aussi, alors vous touchez une autre fibre de mes travaux, mais est-ce que là, il y a une approche archéologique, j'en suis pas sûr. Enfin bon, on peut toujours se poser la question, c'est que la particularité de l'homme n'est quand même pas uniquement de détruire son semblable. Donc elle consiste aussi à l'aider, et notamment dans ces situations-là, parce que pendant que des gens tuent, oui, on remarque toujours qu'il y en a d'autres qui essayent de les sauver ou de les protéger, enfin, ou même d'une façon très minoritaire. Donc, comprendre la nature humaine, alors si on va se lancer dans des grandes approches, c'est à la fois comprendre les actes qui peuvent être définis dans notre modernité, dans notre sensibilité, comme de la violence, mais c'est aussi aborder l'entraide. C'est aussi aborder d'autres pratiques qui vont aller dans le sens de protéger des vies. Et qui sait d'ailleurs si certains de ces bourreaux ne cherchent pas en même temps, parfois, à avoir des actes d'entraide. Jean-Guilaine, la nature de l'homme est-elle d'être violent ? Pierre Clastre le pensait. On peut être victime d'une forme de mythologie, là. C'est-à-dire que d'un côté, on considère que l'homme des origines est un être brutal, n'est-ce pas, voire sanguinaire, etc. Donc un homme violent. Et puis on peut au contraire avoir l'image absolument inverse, c'est-à-dire considérer que c'est un agneau, que c'est un homme doux, etc. Vous savez, le mythe de l'âge d'or, etc., la nature bienfaisante, etc. Je pense qu'il est entre les deux. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Quelles seraient, Jean-Guilaine, les premières traces de violence préhistorique ? Très anciennes ou tout au contraire ? Bon, les traces de violence, il y en a dès le paléolithique, il y en a dès les Néandertaliens. Le problème qui est posé, ce n'est pas celui de la violence. La violence, il y en a, je pense qu'il y en a toujours eu. C'est le problème de la guerre. À partir du moment, d'abord, il faut définir le mot guerre. Hein. Pour les périodes préhistoriques, ce qu'on peut appeler guerre, ce n'est pas des guerres d'État, les États n'existent pas, bien entendu, mais ce sont peut-être des razzias, des raids, des escarmouches entre petites unités. Il faut ramener ça à une échelle, évidemment, qui est la bonne échelle de l'époque. Si on ne parle plus de violence, mais de guerre, alors, le site qui est le plus souvent cité, c'est le site du Jebel Saaba, la fouille de l'équipe américaine de Fred Wendorf, où on a une sorte de nécropole avec des fosses qui semblent avoir été comblées à la va-vite, avec à l'intérieur des sépultures individuelles, souvent de 2 à 4, 5, 6 personnes. et des sujets qui sont percés de flèches. Alors, à peu près la moitié des gens de la nécropole ont des flèches qui sont fichées dans leurs ossements, mais pour les autres, elles ont pu très bien être également exécutées, mais atteintes dans leur partie molle, parce que dans chaque fosse, il y a effectivement des pointes de flèches, mais elles sont erratiques, si je puis dire, dans le sédiment. Mais rien ne nous dit qu'à l'origine, elles n'avaient pas touché les individus. Donc là, il y a probablement les traces d'un conflit. Je ne suis pas capable de dire si dans ce conflit, il y avait vraiment deux groupes qui s'opposaient ou s'il y a un groupe qui a foncé sur l'autre alors que l'autre n'était pas particulièrement agressif à son égard. Voyez, c'est tout le problème de la préhistoire, c'est que ne trouvant que des victimes, nous trouvons en quelque sorte des individus qui ont été tués, qui ont été éliminés, qui ont été massacrés. Je citais tout à l'heure le cas de Thalheim. Mais est-ce que ces gens-là avaient porté les armes contre leurs agresseurs? Ça, on ne peut pas le dire. C'est pour ça qu'il vaut mieux, je crois, parler de massacre. C'est peut-être plus juste pour un certain nombre de cas. On a aussi, bien entendu, de véritables batailles néolithiques qui nous sont racontées par l'art du Levant espagnol. C'est-à-dire que dans la partie méditerranéenne de l'Espagne, vous avez sous des auvents rocheux beaucoup de scènes de chasse, mais vous avez aussi quelques scènes de guerre, alors qui opposent deux parties. Là, vraiment, on a les premières représentations de batailles de la préhistoire, et ça d'une manière indiscutable. Et ce sont des batailles d'archers. Alors ce qui est très intéressant, Jean-Guilaine, c'est que vous me parlez de Jebel Saada, c'est au Soudan, mais c'est très ancien. C'est très ancien, c'est de l'épipaléolithique final, épipaléolithique entre 12 000 et 10 000 avant notre ère environ. Mais on a également, dans l'Europe mésolithique, c'est-à-dire dans l'Europe des derniers chasseurs, on a des cas également de violence et de mort. Vous avez par exemple des tués par flèche dans les nécropoles d'Ukraine, de Veloshki, Vasilevka. Vous avez sur le Danube, en Roumanie, chez la Cladovei, une nécropole dans laquelle vous avez à peu près un tiers des personnages qui ont été éliminés par flèche, qui ont été blessés mortellement. Donc, je n'aime pas beaucoup cette dichotomie entre des chasseurs-cueilleurs qui seraient des calmes et des néolithiques qui seraient violents. Tout est affaire de conjoncture, en définitive. Dans ces cas-là, pourquoi cette violence, ou du moins ces massacres, émergent-ils il y a à peu près 12 000 et 5 000 ans avant notre ère ? Il a peut-être et probablement existé des massacres auparavant. Mais là, on a un élément qui intervient, qui est très important, c'est l'invention de l'arc. L'arc apparaît vers la fin du paléolithique supérieur et c'est à ce moment-là que l'arc nous donne la possibilité d'observer des gens qui ont été tués par des projectiles parce que la pointe du projectile est demeurée fichée dans les os. Alors avant, on pouvait se battre à coups de gourdin, il y a d'autres moyens de tuer son semblable, mais là, si vous voulez, l'arc nous montre véritablement des confrontations parce qu'il laisse des traces. Et je crois que c'est en fait tout le problème de la violence et de la guerre dans la préhistoire. C'est que nous n'avons pas encore suffisamment de données qui puissent donner un test statistique, je dirais. Et on est obligé de parler sur du qualitatif et pas sur du quantitatif. Et c'est le bémol qu'on peut mettre à toutes les interprétations actuelles. Est-ce que la sédentarisation néolithique, est-ce que l'agriculture, l'élevage n'a pas suscité une augmentation de la violence et forcément du massacre ? Bien entendu, si l'on se place d'un point de vue purement matérialiste, c'est-à-dire j'envie le troupeau du voisin, donc je vais faire une razzia pour m'emparer de son troupeau, ou son champ est installé dans des terres très fertiles, je vais essayer de lui prendre. Donc on a toujours une vision un peu économiste, matérialiste en quelque sorte, des raisons de la guerre. Mais en fait, vous savez, on peut se battre pour des tas de raisons. Des raisons psychologiques, une mort un peu bizarre dans votre groupe, vous pensez que le voisin vous a jeté un sort, donc vous allez attaquer le voisin. On peut se battre pour en découdre, parce que la guerre aussi, comme la chasse, c'est une façon pour le mâle de se construire un statut social. Vous voyez ? Il y a le problème des rapes de femmes qui existent aussi. Par exemple, à Thalheim, il y a eu des études dans cette fosse qui ont montré en fait qu'il y avait trois familles qui avaient été éliminées. Mais les femmes sont absentes d'une. Alors est-ce qu'elles n'ont pas été raptées ? Vous voyez, donc, les motifs de guerre sont très nombreux. Alors, il est vrai que vers la fin du néolithique, on est plus nombreux, le champ des potentialités spatiales se restreint, et alors on voit effectivement qu'il y a une montée des conflits et de la guerre. Par exemple, en France, dans les nécropoles du 3e millénaire ou de la fin du 4e millénaire, vous avez beaucoup de sujets percés de flèches. Et ça change par rapport aux périodes antérieures. Mais il faut voir aussi que la documentation anthropologique est plus abondante. Alors, donc, vous voyez, il y a toujours un petit bémol à mettre. Il faut toujours faire un peu la part des choses avant d'être péremptoire sur ces sujets. Thalheim et surtout Exheim sont des sites tout à fait extraordinaires concernant des phénomènes de massacres de masse. Oui, tout à fait. Alors Exheim, c'est un peu particulier parce qu'on a parlé de cannibalisme, on a évoqué ces problèmes-là. C'est toujours un peu délicat de parler de ces choses-là. C'est un problème, effectivement. Cannibalisme alimentaire, on y croit de moins en moins. Cannibalisme rituel, mais alors pourquoi? En plus, à Exheim, ce sont des jeunes qui ont été en quelque sorte éliminés. Je crois qu'encore, il y a de grands points d'interrogation sur ces choses-là. Jacques Semelin, donc vous nous avez dit que pour vous, la violence de masse n'était sûrement pas la violence de guerre, mais cette violence de masse, elle s'émancipe? J'ai le sentiment que c'est au 19e et au 20e, voire déjà un peu à la fin du 18e, qu'on va quand même commencer à parler de massacre de masse. Mais tout de suite, je vais faire une réserve. Je suis très peu compétent pour parler de l'Antiquité. Et il y a certainement des cas de massacres qui ont été chroniqués, alors pas par les archéologues, mais par des historiens. Je pense à Thucydide dans ses guerres du Péloponnèse. Il consacre des pages importantes à décrire le massacre de Mélos, qui concerne visiblement l'exécution de toutes les femmes et les enfants de cette île que les Grecs voyaient comme une source d'insécurité parce que sous l'influence de Sparte. Bon, puis ensuite, vous avez la destruction de Carthage, qu'il ne faut pas oublier non plus. On est, me semble-t-il, là dans des logiques de guerre ou de conséquences de la guerre. Pour ce qui concerne l'époque contemporaine, il me semble que l'idéologie va jouer un rôle considérable. C'est-à-dire qu'elle est liée aussi aux politiques, à la construction de l'État moderne. C'est l'État qui va désigner une population comme ennemie, ou comme ennemie à réduire au sens physique du terme. La Révolution française en est malheureusement un exemple avec cette notion d'ennemi de l'humanité. C'est une production de la Révolution française et ça va s'appliquer en particulier aux Chouans. Et on a un beau travail qui est en train de se faire sur la région du Mans à cet égard. Mais je pense que ce rôle de l'idéologie va prendre une place de plus en plus importante au 19e et bien sûr au 20e, avec cette idée que l'État joue un rôle considérable pour définir son champ social, sa manière de voir la société, avec, oui, une vision purificatrice qui va se retrouver dans la constitution de l'État moderne, l'État-nation, vu comme homogène, voilà, volonté d'homogénéité, comme le veulent les jeunes Turcs, par exemple, au moment des massacres des Arméniens, comme bien sûr le nazisme le voudra. Alors, ai-je besoin d'insister sur cet aspect-là? Mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte le rôle de la guerre, bien sûr, l'évolution de la guerre. On en est à la fabrication d'outils absolument effrayants, que sont les mitraillettes, par exemple. Il me semble que les mitraillettes apparaissent pour la première fois au moment de la guerre de sécession, et elles tétanisent littéralement les hommes au combat. Donc là, on va arriver dans une période de mort de masse, de mort en masse, qui change, me semble-t-il, la nature de la guerre. Vous vous intéressez bien sûr aussi à la déshumanisation. Vous avez été frappé par la possibilité d'absence de sépulture, d'absence de gestes funéraires, une chose que l'on connaît bien quand on fait de l'archéologie. Oui, c'est une communication qui a été donnée dans ce colloque, s'agissant justement de la Première Guerre mondiale, de l'impossibilité d'ensevelir les morts. Or, l'ensevelissement, en tout cas, le mot même ensevelissement, inclut, je crois, la notion d'humanité. Alors, j'entends bien que dans l'Antiquité, ou dans des périodes donc très reculées, des êtres humains n'ont pas été ensevelis. Mais là, on est dans une échelle jamais connue, à ma connaissance, enfin, jamais connue à telle ampleur sur un champ de bataille comme celui de la Somme. Et ça m'a fait penser aussi à un beau texte de Jean-Pierre Vernant, « La belle mort ou le cadavre outragé », dans lequel il montre que chez les Grecs, eh bien, oui, on pouvait mourir en combat, mais il s'agissait d'avoir une belle mort. Une belle mort pour qu'on puisse chanter la gloire de celui qui est mort, les armes à la main, etc. Et surtout pas d'avoir un cadavre outragé. Or, c'est donc un enjeu considérable qui va être celui de l'ensevissement, de l'embellissement du corps. Or, il est évident qu'au XXe, quand on est sur un champ de bataille comme celui de la Première Guerre mondiale, c'est strictement pas possible. On est dans un autre monde, dans un autre univers. Et je me dis que cette échelle de la mort et cette impossibilité de l'ensevissement des corps, peut-être est un des premiers signes d'un processus de déshumanisation qu'on n'a jamais connu et qui va se traduire en particulier dans la Seconde Guerre mondiale. Il y a des paliers, pourrait-on dire, dans le massacre, dans la guerre. Jacques Semelin, vous en décriviez un, donc, au XIXe et au XXe siècle. Jean Guilaine, est-ce que l'on ne pourrait pas en voir pour notre préhistoire, l'âge du bronze, par exemple, est une grande étape? Oui, en fait, les conditions changent en fonction de l'armement. Pendant très longtemps, pratiquement depuis le Djebel Saba, on y revient, n'est-ce pas? Mais tout au long des temps néolithiques, pratiquement, on le voit très bien dans l'art du Levant espagnol, les combattants sont des archers. On a deux clans qui sont à distance et qui s'envoient des flèches, hein, n'est-ce pas? Et donc, le combattant n'est pas tellement identifié, il est un peu anonyme, hein, voire embusqué, n'est-ce pas? Et puis, alors, les choses changent progressivement. On voit apparaître d'abord le poignard. Poignard de silex, puis poignard à lame de métal, à partir de 3500 avant notre ère, à peu près. Et alors, d'ailleurs, il y a des cultures qui valorisent le poignard, mais dans un contexte où l'arc est toujours présent. Et puis, les choses vont changer avec l'apparition de l'épée, autour de 1500. L'épée qui apparaît pratiquement à peu près à la même époque dans toute l'Europe, autant dans la zone mycénienne que dans les Balkans ou, dans l'Occident, ou en, Occident, en Europe occidentale. Et l'épée change le caractère du combat parce que le combattant à ce moment-là va avoir l'épée et la pique et la lance. Et ça va être un combat rapproché. Et ce combat rapproché va ressembler un peu à des duels, si je puis dire. On a un adversaire en face, on s'occupe de lui. Et de sorte que désormais, le combattant n'est plus anonyme quelque part, comme au temps de l'archer. Il est identifié. Il tient à être identifié, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il va pouvoir faire des prouesses qui seront vraiment visibles d'une certaine façon, et que la guerre va devenir une sorte de tremplin social. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que le guerrier, à plein temps, petit à petit, va s'extraire et on n'aura plus affaire à des guerriers d'occasion qui vont défendre leurs biens, leur famille, etc., mais on va avoir affaire à des spécialistes. Et le mercenaire est un peu en gestation derrière ces premiers guerriers de l'âge du bronze. Donc une nouvelle classe sociale, de fait. Un nouvel acteur social qui ne sera pas donc un guerrier occasionnel, mais qui va être un personnage clé de la nouvelle société. Jacques Semelin, pour conclure, un mot. Il me semble qu'un des enjeux de l'archéologie aujourd'hui, hein, quand on pense à la Bosnie, au Rwanda et à d'autres lieux de massacre, et on a l'impression que justement la barbarie recommence un nouvel essor, si j'ose dire, aujourd'hui au XXIe siècle, c'est de nous aider à critiquer les approches qui voudraient qu'on est dans la guerre. Les exécutants, les organisateurs de ces violences disent que voilà, c'est la guerre et donc il y a eu des victimes des deux côtés. Voilà. Eh bien, il me semble que l'archéologie peut aider à montrer que, dans certains cas, ce n'est pas du tout la guerre. On est véritablement dans des situations de massacre. Et la question que posait Jean sur passer du statut de l'étude des morts à celui de victime d'une violence d'un seul côté, il me semble que l'archéologie est en situation aujourd'hui de pouvoir le faire, en particulier aussi avec les enquêtes médico-légales. Thank you. La semaine prochaine, le Salon Noir sera au cœur des lignes allemandes de 1915. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Kevin Lebars, attaché à l'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster l'émission sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives sur le site inrap.fr. Et dans quelques instants, les nouvelles vagues de Marie Richeux.